Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous et bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Je suis Cécile et aujourd'hui je reçois Eva Valette, Louane Desbois et Marie Neige pour parler esprit de compétition. Allez, c'est parti! Défi Sport sur Fadjet. Alors bonjour Marie, bonjour Eva, bonjour Louane. On va commencer par les présentations. Je commence par la gauche, Marie, si tu veux bien. Donc Marie, ancienne gymnaste, coureuse, traileuse, ultra-traileuse, je te laisse détailler. Oui, bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. Effectivement, j'ai fait de la gym pendant quelques années en sport-études quand j'étais au collège. Et depuis, je me suis réorientée vers la course à pied. Au tout début, au club du Nancy Athlétisme Métropole, avec la course sur route. Et ensuite, j'ai déménagé à La Réunion. Donc là, je me suis plus orientée vers le trail et l'ultra-trail. Récemment, j'ai participé au trail de minuit, une course de nuit de 56 km qui s'est bien passée. Et là, je prépare le 90 km du Mont-Blanc qui a lieu fin juin à Chamonix. Donc 90, oui, on est dans l'ultra là. À Chamonix, donc tu reviens en France. Je reste un mois en vacances ici. J'ai posé tous mes congés pour profiter de la famille, des amis et préparer cette échéance sportive. Et le gros objectif de cette année, c'est la Diagonale des Fous à La Réunion, 165 km. Oh, ça c'est un bel objectif ça. Voilà, c'est le gros objectif de l'année, même des trois dernières années on va dire. D'accord. Eva, pardon, tu peux y aller. Oui, bonjour. Moi, depuis petite, je suis un peu touche à tout. J'ai essayé beaucoup de sports, puis je me suis accrochée à l'athlétisme au NAM. J'ai derrière moi pas beaucoup de compétitions, étant donné que je suis blessée, mais mon prochain objectif est un triathlon. Alors, tu es étudiante en STAPS également, quand même, au niveau sport. En première année. Voilà, tu as déjà fait. Donc, tu fais un peu de course à pied quand tu n'es pas blessée, du vélo, de la natation, et petite, tu as fait aussi. La danse classique. Voilà. On verra le petit rapport avec Louane après. Et puis, donc, cette année, tu es championne de golf universitaire. Régionale, oui. Voilà, c'est pour le côté touche à tout. Ta spécialité, ça reste quand même La longue distance. La longue distance, oui. En course à pied Oui. D'accord. Sur route. Sur route, c'est ce que tu préfères. Et enfin, Louane, donc, rugby woman depuis 2 ans, championne Grand Est, tout récemment Oui, tout récemment, donc en catégorie moins de 18 ans. D'accord. C'était quand, ça? C'était il y a 2-3 semaines à peu près qu'on a participé à la compétition, enfin à la finale de la compétition. Et donc avant de faire du rugby, tu faisais de la... De la danse classique. Voilà. J'ai eu une grosse pause entre-temps. J'ai fait quelques années de handball, mais malheureusement, le coach est parti. Donc voilà. D'accord. Et comment on passe de la danse classique au hand, qui est déjà pas mal physique, et au rugby? L'évolution physique qui change complètement quand on grandit en général. Et donc la transition danse classique, où on est plus dans la recherche de souplesse peut-être, le rugby, il va falloir tenir debout. Physiquement, il y a de la muscu. Rugby, il faut une bonne préparation physique, ça dépend des postes de chacun. Moi, mon poste demande beaucoup de force et d'appui dans les jambes, mais ils se rejoignent sur un point, c'est qu'il faut du mental surtout. Oui, il y a beaucoup de mental et beaucoup de rigueur aussi. Oui. Voilà, l'assiduité et de la rigueur. D'accord. Et donc, pourquoi le rugby comme ça? C'est les amis, c'est une appétence pour le sport? J'ai toujours grandi en regardant le rugby avec mon père. Des petites, il me disait « tu seras comme Chabal plus tard », etc. Un peu moins de barbe. J'avais le maillot des All Blacks sur moi. Enfin voilà, j'ai toujours grandi avec le rugby et mon papa. Et donc, quand je suis rentrée au lycée et que j'ai vu qu'il y avait une option rugby, j'ai voulu essayer et ça m'a beaucoup plu. Et après, je me suis redirigée vers un club, un vrai club, quoi. Oui, parce que donc on oublie de dire, tu es au lycée à Pixéricourt, où il y a une section rugby féminine. Oui, exactement. Voilà. Bon, donc on va commencer tout de suite par les questions relatives à l'esprit de compétition, puisque c'est le thème du jour. Donc juste pour commencer, c'est quoi l'esprit de compétition pour vous, globalement, hein? Qui commence? Qui se lance? Louane? Je dirais que l'esprit de compétition, c'est avant tout déjà la cohésion dans une équipe. Il faut qu'on se motive tous ensemble parce que sinon, il y a moins de chances de gagner. Il faut être motivé, il faut avoir la rage de gagner, comme on dit. On y va pour gagner, c'est pas pour jouer, c'est pour exactement. Gagner. Il faut s'amuser, hein, bien sûr, mais quand on est face à des compétitions telles que celles qu'on a faites, on n'a qu'une idée en tête, c'est gagner, forcément. D'accord. Eva, donc, alors toi, tu n'as pas trop de compétition à ton actif, mais l'esprit de compétition, il est là quand même, même aux entraînements. Oui, oui, quand même. pour moi, c'est un peu comment on vit, comment on se prépare et comment on va vivre la compétition, l'avant et aussi après, pour quand elle est finie, comment on l'a vécu, ce qu'on en garde. Ce qu'on en garde. Si on gagne et si on ne gagne pas aussi. Oui, voilà, justement, comment on traite l'information d'avoir perdu ou d'avoir gagné. D'accord. Mais l'esprit reste le même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une recherche d'excellence. Oui, oui. Oui, je pense. Oui, je pense. Et toi, Marie ? Pour moi, c'est de se donner les moyens de préparer son objectif sportif et puis d'y aller à fond. Alors, je ne vais pas dire à l'entraînement, parce que souvent, on me dit qu'à l'entraînement, je ne vais pas à fond. Mais par contre, une fois sur la ligne de départ et prête à courir la course pour laquelle tu t'es préparé depuis des semaines, des mois, en fait, je lâche rien et je vais vouloir aller au chrono que je me suis fixé. Alors, pas forcément le classement, mais vraiment les sensations, le chrono, puis la ligne d'arrivée, quoi. Oui, c'est pas pour enfiler des perles, quoi. C'est vraiment c'est pour gagner. C'est rare que je me lance sur une course en me disant, bon, j'y vais et puis on verra bien. Et puis si ça va pas, je marche. Non, en fait, quand j'y vais, c'est non, pour tout donner, quoi. C'est pour courir. Ouais. Alors, justement, Marie, je reste sur Marie, un petit clin d'œil à ton travail, parce que Marie est infirmière. Donc, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu situes ton esprit de compétitrice ? Je pense que si je réponds par moi-même, je te dirais 5-6, mais si la famille ou mon copain répondrait, il dirait 11. 11 ? 11 sur 10 ? Ouais. En fait, quand je suis à l'entraînement, je suis vraiment cool avec les copains. On s'amuse, on prend plaisir et en compétition, je vais prendre plaisir aussi. Mais en fait, je me rends compte que oui, je vais vraiment être dans un esprit de compétition, à vouloir me placer sur la ligne de départ, à quand on crie les classements au cours de la course, voilà, t'es sixième, t'es huitième. En fait, il faut absolument que je reste dans cette position, que je fasse mieux. Donc, je me dis oui, en fait, j'ai un esprit de compétition, je ne peux pas le nier. J'ai quand même la gagne. Hein. Alors, ce n'est pas des histoires de podium, mais de toujours faire mieux et plus, quoi. Donc, il n'y a plus de copains qui tiennent, quoi. Une fois la ligne passée de départ. Non, parce que j'ai des copines devant, j'ai des copines derrière, et on est trop contentes d'accomplir la course pour laquelle on s'est préparé ensemble. Et on est très contentes du classement des uns des autres. Mais surtout, savoir si on a pris plaisir et savoir comment on a vécu telle partie de course. Enfin, on adore se faire des débriefs de fin de course. Et c'est ça qui est cool et c'est ça que j'aime dans cet esprit de compétition qu'on a en commun, quoi. D'accord. Et toi, Eva ? Moi, je me donne 6-7 à peu près. Parce 7, que... plus cool. Oui, oui. À l'entraînement, je suis assez pépère. Et ensuite, ça dépend de la compétition, de qui participe, de l'enjeu et de ce qui se passe. Alors, de l'enjeu, c'est-à-dire que si c'est une petite course, tu vas être peut-être un peu moins motivée ? Ah si, justement, je serai plus motivée parce que je sais qu'il y a plus de chances de faire un podium. Alors que à la Saint-Nicolas, je sais très bien que dans ma catégorie, elles sont 10 minutes en dessous de moi. Donc, mais tu vas te battre quand même contre le chrono. Ah oui, oui, oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui. Non, le podium attire un petit peu quand même. Oui. D'accord. Et toi, Louane ? Moi, honnêtement, je dirais vraiment 8-9. Parce 8-9. Que. Parce oui. T'oses pas dire 10. Enfin, quoi. Quelqu'un d'honnête ici. C'est ça. Parce que, à l'entraînement, je suis un peu comme les filles. Je rigole avec les copines, tout ça. Enfin, ça dépend. Les entraînements préparatoires, là, on rigole pas. Mais en match, une fois en match, je rigole plus. Enfin, voilà, c'est. Faut rester concentré tout le long du match et je suis très mauvaise perdante. Donc, Alors c'est une question pour la suite. Donc, alors toi tu le dis d'emblée quoi. Voilà, ouais. j'annonce comme ça. Donc ouais, je dirais un bon 8-9 quand même parce que je déteste lâcher quelque chose quand je l'ai et je déteste le perdre quoi. Donc, et, voilà. Et toi Eva, t'es bonne perdante du coup ou pas ? Non, pas du tout, mais je l'assume pas. Le moment de la course, je fais quand même tout pour le cacher. Je garde le sourire, mais j'en pense pas moins. Oui, voilà. Et toi, Marie ? Non, moi, je pense que si je me suis fixé un objectif, que ce soit de chronomètre ou même de plaisir, si j'ai de mauvaises sensations sur la course ou si j'ai pas fait le chrono que je voulais, c'est que j'ai l'impression que je me suis pas préparée suffisamment ou que j'ai pas géré, quoi. Donc oui, je m'en veux, je cherche à faire mieux. Et ouais, je suis mauvaise perdante aussi. Oui, t'as passé une mauvaise journée. C'est une mauvaise course, ouais. Mauvaise journée, quoi. Enfin, j'accepte, mais je me dis qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise pas, quoi. D'accord. Et est-ce que vous reprenez cet état d'esprit dans tous les domaines de la vie ou est-ce que c'est spécifique au sport ? C'est-à-dire que l'esprit de compétition, ça va être aussi... alors, pour les filles, je dirais en cours, avec les notes, est-ce qu'il faut être meilleur que l'autre d'à côté ? Je dirais que j'ai toujours été une élève assez bonne à l'école. Et donc, surtout en arrivant au collège-lycée, quand on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui commence à nous battre au niveau de la moyenne et tout, Moi, personnellement, je suis un peu énervée. Je me dis, ah non, faut que j'ai une bonne note, faut que je sois au-dessus. Donc, oui, c'est un peu pareil. D'accord, ouais, c'est vraiment tous les domaines, quoi. Et toi, Eva ? Moi, pas du tout. C'est vraiment que le sport. À l'école, je me suis toujours contentée du minimum. D'accord. Après, quand j'ai une note plus élevée que quelqu'un d'autre, je suis contente. Mais si c'est l'inverse, je ferai rien pour, être meilleure. Tu vas pas passer la soirée révisée pour avoir non, voilà, la note pas du tout. Quoi. Et toi, donc, alors toi, Marie, les études sont derrière toi, mais t'étais comment à l'école ? J'avais une maman, j'ai une maman qui était Ah oui, en plus, hein, oui, c'est vrai. Donc, petit clin d'œil à maman, mais j'ai 18 sur 20, pourquoi t'as pas eu 20 ? Ah ça, oui. Je l'ai entendu plusieurs fois. Alors ça, c'est maman qui disait ça, mais du coup, t'en pensais quoi, toi ? C'est vrai que moi, j'étais souvent contente de moi, mais j'avais aussi la volonté de faire toujours mieux ou de faire plaisir, je pense, à l'époque. Et du coup, j'ai quand même énormément travaillé. J'ai toujours été très perfectionniste et travailleuse et tout au long des études, ça m'a suivi. Et je pense que dans mon travail actuellement, je suis infirmière en réanimation néonatale, j'ai toujours cette rigueur et cette volonté de bien faire. D'accord. Oui, il y a quand même la recherche du petit plus, quoi. Voilà. Après, on ne peut pas dire qu'il y a un esprit de compétition dans mon travail. Non, peut-être pas dans le travail. parce qu'on souhaite tous travailler de manière égale pour les bébés, en tout cas. Mais oui, faire bien, en tout cas, ça me tient à cœur. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans la compétition ? Donc Marie, t'as dit déjà un petit peu qu'il y avait le plaisir de la course. Louane, peut-être ? Gagner, déjà. Déjà. Cette sensation de stress, d'adrénaline, de vouloir gagner, de vouloir tout donner pour gagner, c'est ce qui motive, c'est ce qui donne envie. Mais aussi le stress de se dire, quand on voit le niveau en face, on va peut-être perdre. On ne sait pas, donc c'est ça qui donne envie, mais en même temps qui fait très peur. Mais donc il y a du plaisir quand même. Ça fait mais il y a du plaisir. Oui, énormément. T'es en recherche de ce stress en fait. Oui, constamment. Et donc t'es en attente des compétitions ou comme il y a du stress, je veux dire c'est le côté un petit peu désagréable, mais il faut passer par là. Il y a différents stress. La veille au soir, quand on se prépare, nos valises, nos affaires, tout ça, c'est le stress de Ah, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne connaît pas le niveau en face. Puis arrivé sur le lieu de match, on commence à croiser les coéquipières adverses, on commence à voir les physiques et tout, on se dit bon, on verra bien. Alors celle-là, je peux la voir, celle-là, oui, celle-là, voilà. Non. Ouais, que ça dépend, hein. Des fois c'est trompeur. Hein. Donc voilà, et puis après, une fois que le match est commencé, c'est off. Pour certaines d'entre nous, on voit rouge, c'est fini. Donc voilà, mais oui, il y a différentes phases de stress, puis c'est aussi quand même un sport qui est assez violent, avec beaucoup de chocs, donc il y a toujours le stress aussi de se blesser. Comment je vais ressortir de ça, quoi. Oui, est-ce que je peux jouer le prochain match ? Voilà, le prochain match. C'est ça, quoi. Et Eva, alors toi, tu fais peu de compétitions ? Non, quand même pas. Tu prends plaisir, enfin, il y a une recherche de plaisir dans la compétition ? Ça dépend, les compétitions qu'on fait avec le club... Pas trop, parce que c'est suivre un entraînement, puis après, il faut réussir. Et je trouve que c'est toute la course est difficile. C'est vraiment la fin, quand on a réussi l'objectif, c'est soulageant. Sinon, pendant, j'y trouve pas vraiment de plaisir. C'est plus le après. Soulageant. Donc, il y a vraiment un stress, en fait, à réussir l'objectif. Quoi. Bah oui, parce qu'il y a tout le monde du club qui sait le temps qu'on est censé faire, qu'on prépare. Il y a nos parents, pour moi, ma famille qui est derrière. Mes amis qui pensent que j'ai un niveau incroyable alors que en vrai c'est bien mais c'est pas foufou et voilà donc je suis vraiment juste à la recherche de réussir et le plaisir j'y vais après ouais. Sauf les petites courses, les petits trails dans les petits villages où là vraiment je kiffe. Là, je kiffe, c'est ça en fait ton recherche de compétition, c'est les petits villages, quoi. Oui, voilà. Appel aux petits villages si vous avez des compétitions pour y voir. Et donc toi Marie Moi j'ai retrouvé, en me remettant à la course à pied et en découvrant l'ultra trail, j'ai retrouvé les sensations que j'avais quand je faisais de la gym en sport études petite, où vraiment on partait tout en compétition, on avait le stress, on espérait faire un podium, on était soulagés après aussi. Là c'est différent parce qu'il y a à mon niveau, en tout cas, je ne vise pas des podiums. Mais tu vas viser un top 100 sur le scratch, un top 10 sur le féminin, et tu vas te satisfaire de ça, en fait. C'est ton objectif à toi, quand même. Je prends beaucoup de plaisir, ouais. Voilà, à me dire, waouh, j'ai fait ça, c'est quand même cool, je peux être hyper fière de moi. Juste passer la ligne d'arrivée, enfin la diagonale des fous, l'objectif, c'est l'arrivée. Et je suis très contente de ça. Forcément, il y a un petit stress avant, il y a un soulagement après. Il y a même parfois un peu une petite déprime post-course quand tu t'es préparé pendant des semaines, des mois, qu'il y a une grosse émulsion avec tous les copains. Enfin, la Réunion, c'est un sport national, le trail, donc vraiment, on en entend parler partout, à la radio, sur les affiches. Donc quand t'as une grosse échéance et que t'arrives au bout, ouais, des fois, t'es un peu là, bon, quand ça recommence. C'était tout ça et j'ai fini, quoi. C'est la descente de... C'est une drogue, c'est la phase descente. Ah bah, je pense que oui, on peut dire qu'on est drogué aux endorphines, surtout sur les longues distances. Enfin, on retrouve des états qu'on ne trouve pas dans d'autres sports, pour avoir touché aussi un peu à tout. À la danse classique aussi, les filles. Ah, c'est faire une émission spéciale. Ouais, j'adore la sensation que procure la course. Et après, c'est plus les mêmes esprits de compétition quand j'étais plus jeune. Mais ouais, j'ai envie de gagner, j'ai envie de faire le mieux. Et les endorphines, donc, aux entraînements, on les a un peu moins, puisqu'il n'y a pas la recherche de... Enfin, il n'y a pas le stress, hein, et donc il y a moins de descente, mais ça fait partie du plaisir aussi. Ça fait partie du plaisir aux entraînements quand on se défoule, surtout. Quand on fait une bonne séance. Enfin, oui, voilà. Moi, je connais que la course à pied, mais oui, voilà. Quand on a fait une bonne séance, c'est presque la même sensation qu'une bonne course. Oui, donc, voilà. C'est parce qu'on court beaucoup quand même. Hein. Ça dépend des entraînements. Des fois, on fait des entraînements physiques. Des fois, entraînement plaquage. Enfin, voilà, ça dépend. Mais on se dépense beaucoup et ça fait quand même du bien à la fin. Oui, il y a le petit côté monté et peut-être qu'il y a moins la redescente du coup Oui, forcément, parce que bon, on y retourne deux jours après, hein, vraiment, donc... on a moins le temps de redescendre. Voilà, mais ça fait quand même du bien. Alors, est-ce que selon vous, c'est une qualité ou un défaut, cet esprit de compétition? Moi, je pense que c'est bien d'avoir un esprit de compétition si ça te pousse à donner le meilleur de toi-même et à aller au-delà de tes capacités, à faire toujours plus et à être content de ça. Après, si c'est un esprit de compétition qui te paralyse ou t'as un mauvais esprit vis-à-vis des autres concurrents, là, c'est moins cool. Oui. Mais après, voilà, faut peut-être savoir gérer. On a peut-être tous un peu ces différents versants, mais savoir gérer. Mauvaise perdante, mais avec le sourire, comme ouais, Eva. Voilà. on reste gentlewoman, ouais, c'est ça, pour la compétition. Alors, on va faire une petite pause musicale pleine de soleil. Orientée par Marie, voilà, qui nous vient de La Réunion. Donc, okay, bah oui, je te laisse présenter. Tu m'as demandé un titre de La Réunion. Et moi, j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Canacelle. Donc, je vous laisse découvrir un de ses titres. Allez, Canacelle. Hey boy, you'd better watch out. Cause I'm coming for your lady. Oh boy, it's already too late. Oh, there is nothing you can do about it. Fire, but from the very moment I saw her eyes and her smile, oh, she's wooden cool, my desire. Then don't blame it on you. I'm pretty sure you did your best and loved her the hardest you could do. But right now, I'ma give you some rest. Hey, boy, you better watch out. I'm coming for your lady. Oh boy, it is already too late. Oh, there is nothing you can do about it. Oh boy, you'd better watch out. Cause I'm coming for your mama. I hope you liked your time together. Watch out, 'cause I'm coming for your lady. as I thought I was with you would for love to bed for you. But when I saw it all came back so strong to bed for you. But I can tell you that you'll be doing fine. Too bad for you. I promise you I won't be wasting your time. Boy, you better watch out, 'cause I'm coming for you, lady. Oh boy, it's already too late. Oh, there is nothing you can do about it. Oh boy, you better watch out, 'cause I'm coming for you, mama. I hope you liked your time together. Now she's gonna get way much better. De retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Défi Sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Et tout de suite, on retrouve Lise et ses stats pour la Minute Lise. À toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de compétition et de statistiques. Donc, il faut savoir que la majorité des Français suivent en compétition, dans un premier temps, le football, le rugby, ensuite le tennis, le basketball, ensuite viennent les sports individuels, le cyclisme et l'athlétisme. Selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, dans une étude qu'elle a établie en 2023, elle a interrogé des personnes et 9% de ces personnes n'osent pas faire du sport en raison de la compétition. Sur les personnes interrogées qui ont pris une licence sportive, 26% des femmes font de la compétition contre 41% des hommes, ce qui est quand même un écart assez significatif. Ensuite, les personnes interrogées font du sport pour certaines motivations, pour l'apparence physique, 16% pour les femmes, 10% pour les hommes, alors que les personnes interrogées qui le font pour la compétition représentent 3% pour les femmes, 5% pour les hommes, ce qui est un écart assez moindre par rapport à la motivation pour les apparences physiques. Enfin, pour s'agissant des sportifs de haut niveau, on retrouve 39% de femmes dans les sportifs de haut niveau français. Merci Lise. Alors on poursuit avec Marie, Eva et Louane sur notre thème du jour, l'esprit de compétition. Donc on reprend où on en était. On était sur l'esprit de compétition, qualité ou défaut. Alors on a dit qualité jusqu'à un certain point, c'est-à-dire tant que on reste bonne perdante dans le mauvais perdant, tant qu'on reste soft, on va dire. Et je voulais vous demander si c'était, à votre avis, inné ou acquis. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une part des parents qui aident? Est-ce qu'il y a une part des amis? Ou alors, même toute seule petite, vous aviez déjà l'esprit de compétition à la maternelle? Moi, je pense que petite, pardon, je n'avais pas forcément l'esprit de compétition, parce que j'ai des souvenirs de compétition où je tombais de la poutre, je parlais à mon entraîneur, je disais faut que je remonte sur la poutre là, oui. Donc je pense que j'avais pas trop compris l'enjeu quand on était dans la salle d'entraînement qui faisait aussi office de salle de compétition, mais vraiment en grandissant plutôt, vouloir faire bien, vouloir faire mieux, ça s'est acquis au fur et à mesure. Ça c'est après. Oui, je pense. C'est bien après. Quand j'ai commencé, j'avais pas de prétention de classement. Au fur et à mesure des courses, on voit que voilà, on est souvent dans les 20 premières, dans les 10 premières. On se dit c'est là qu'est ma place. Il faut que j'essaye de me classer dans ce top 10, dans ce top 20. Et du coup, maintenant en course, si jamais je me retrouve coincée, il y a souvent des bouchons en ultra trail vu les sentiers. Je vais oser dire par contre je passe, excuse-moi, je passe à gauche, et je vais pas me dire je vais attendre derrière. Non, j'ai envie d'être là où je peux aller, de voir jusqu'où je peux aller, et donc je vais me donner les moyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis avec le temps. Que tu avais pas forcément, tu oses, que tu osais pas forcément. J'ose plus, voilà, c'est ça. Et toi Louane, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai toujours eu depuis toute petite cet esprit de compétition. Je me souviens encore en primaire quand on faisait la course, quand les garçons ils faisaient la course dans la cour, j'étais la seule fille à vouloir faire la course avec eux. Et quand je gagnais pas, j'étais pas contente. Je l'ai mordé. Donc voilà. Oui. Pourtant, j'ai jamais fait face à une situation de compétition car je suis fille unique. Donc c'est pas comme si. Ah oui, si, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que c'est en rapport avec frères et sœurs? Non, c'est même pas. Non, même pas. J'ai toujours eu la chance, on va dire, d'être la chouchoute de mes parents. Donc voilà, j'ai jamais eu de compétition frères et sœurs, mais j'ai toujours eu cet esprit quand même. Avec mes camarades, ça n'empêche que j'étais quand même, enfin, je suis quand même gentille, hein. Je suis pas méchante avec tout le monde. Mais oui, c'est vrai que quand il s'agit de gagner, je veux gagner. C'est même dans les jeux de société, etc. C'est tout le temps, partout. Ouais. Voilà. Quand je perds, je jette les cartes sur la table. Non, peut-être pas. Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. S'il y a pas de cartes, ça va. Voilà. Et toi, Eva? J'ai vraiment l'impression que c'est un peu une question d'éducation aussi et du regard des autres, l'ego qui augmente quand on grandit. Et puis le fait qu'on soit tout le temps mis en compétition, tout le temps avec les autres. Oui, à l'école, quand on fait la course ensemble ou entre frères et sœurs, sur des compétitions partout, on est chiffrés, comparés. Donc, doux rêve de l'éducation nationale où il n'y a pas de compétition et tout le monde apprend à la même vitesse, c'est l'utopie. Quoi. On est noté à chaque fois. Même sur les compétitions sportives, on sait à la seconde près, des fois à la milliseconde près, on est à combien de celui qui est devant, de celui qui est derrière. Et à force, on l'a et on vient pas sur une course pour rien faire. On vient pour avoir un bon chrono, à force. Et donc, tu penses que depuis petite, ça a augmenté ton esprit de compétition ou c'était déjà au taquet? Non, je pense que j'ai eu en grandissant. Parce que, par exemple, mes parents, ils m'emmenaient sur des... Eux, ils sont coureurs et ils m'emmenaient sur les courses des enfants. Puis forcément, quand ça encourage toujours aller plus vite, aller devant, rattraper celle qui est devant nous... Et maintenant, j'ai plus besoin qu'on me le dise, je sais ce que j'ai à faire. Et sur les courses, j'essaie de gagner maintenant. Mais donc, il y a une part des parents. Oui, les parents qui aident. Oui. Voilà. Oui, sinon, de moi-même, je pense que je pourrais marcher sur 10 km. Ça me pose aucun problème. Alors d'ailleurs, Eva, je reste sur toi puisque tu es en STAPS, hein, donc tu as un petit peu de recul au niveau éducation au sport. Et est-ce qu'on vous apprend à développer cet esprit de compétition déjà? En STAPS? Ouais, il y a des cours pour Des cours en amphi, non. Mais non. Par contre, en sport, oui. Parce que par exemple, en natation, pour avoir une bonne note, il y a des minima. Pour avoir 20, faut faire un certain temps. Et plus notre temps est éloigné de ce temps, plus on se rapproche du zéro. En judo, pareil, faut maîtriser toutes les techniques. On vise toujours à être parfait dans tous les sports qu'on fait. Donc si tu ne l'avais pas au départ, en STAPS, c'était obligé d'acquérir. Oui, enfin en soi, pas l'esprit de compétition, mais parce qu'en soi, c'est avec nous-mêmes. L'esprit de dépassement plutôt, oui. Peut-être. Ouais, oui, on doit toujours se perfectionner. Et sinon, ils ne vous donnent pas de technique pour plus tard. Alors peut-être pas toi, mais si tu veux être STAPS, ça mène quand même à des carrières sportives, enfin, ou entraîneur sportif, ou des choses en relation avec l'éducation. Ils ne vous donnent pas de technique pour entraîner les plus jeunes ou... Par rapport à la compétition, non, en première année, on le voit pas. Non, en première année, ça ne fait pas partie du programme. Non, non. D'accord. Louane, comme tu es la seule qui a un sport collectif, je voulais savoir si l'esprit d'équipe est compatible avec l'esprit de compétition. Il n'y a pas de rivalité dans l'équipe. Je dirais que non, car on a tout un niveau et des qualités différentes. On se complète, en fait. Surtout dans le rugby, les postes sont vraiment basés sur les qualités de chacune. Donc on se complète c'est... Il n'y a même pas une petite compétition sur... alors, je ne connais pas trop le rugby, mais peut-être ailier gauche, ailier droit. Bon, on est liés tous les deux, mais bon, j'aimerais bien être un peu meilleur qu'elle, non? Ah non. Vraiment, quand on est une équipe, c'est justement si l'autre, elle galère un peu, celle à côté, elle va aller l'aider. S'il y a une fille qui arrive sur nous et qu'on a du mal à la plaquer, la copine, elle va venir aider. C'est toujours du soutien au rugby, c'est toujours on est derrière les autres... Et il n'y a jamais de compétition. C'est d'abord l'esprit d'équipe, vraiment, et exactement, l'esprit de compétition une famille. Après. L'équipe, voilà. Ça doit être une famille. Famille. D'accord. Oui. Ça, c'est bien, ça garde, ça garde la cohésion. Et Marie, la différence que tu évoques, si tu veux bien, c'est on parle de l'esprit trail, c'est-à-dire la différence d'esprit de compétition entre la route et le trail. Parce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la course sur route, c'est sur route, et donc en général, c'est assez sécurisé et il y a de la place. L'esprit trail, on va être dans la nature avec des petits sentiers, des petits chemins qui peuvent être potentiellement dangereux, oui. Et on laisse personne sur place. C'est-à-dire qu'on a beau être dans la course, s'il y en a un qui chute, on va quand même en théorie, prendre soin. Oui, si. Bah, est-ce que tu as senti cette différence en passant de l'esprit de... Oui. Alors, sur route et sur trail, on aime tous courir, mais c'est quand même des épreuves qui sont différentes. C'est vrai que je me suis jamais arrêtée sur une course sur route pour quelqu'un qui était peut-être moins bien. Ouais, on le voit, il y a du public, ouais. Et c'est accessible. Oui, voilà, et ouais. Puis c'est des circuits qui sont relativement courts, il y aura toujours de l'assistance extérieure. Là, je vais prendre l'exemple de la dernière course que j'ai faite, donc le trail de minuit, on partait de nuit, on courait toute la nuit à travers le cirque de Mafat. Il y a un moment donné, en fait, il n'y a plus personne à part nous-mêmes et les autres coureurs. Dès le premier tiers de course, en fait, il y a des personnes qui se sont blessées, qui revenaient sur leurs pas en boitant. Bon, bah, eux, c'est vrai que tu as envie de les accompagner, mais tu ne peux pas refaire toute la course à l'envers avec eux. Mais on s'arrête toujours pour savoir si ça va. Si quelqu'un est assis sur un rocher, bah, tu lui demandes si ça va. Est-ce qu'il fait juste une sieste ou... Parce qu'on m'a déjà répondu, j'essaye de dormir là, en fait. Ah, tu me déranges, et je te laisse tranquille. Mais on essaye toujours de savoir si c'est une hypo, est-ce que tu as un truc à manger, est-ce que tu as un truc à boire, est-ce que ça va, est-ce que tu as de la batterie dans ton téléphone. Si c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est peut-être propre au trail. Et puis, bah, c'est tellement des longues distances que oui, c'est ce que je te disais, des fois, on est seul, il n'y aura pas d'assistance. Et c'est pour ça qu'il y a des barrières horaires, parce que si tu n'es plus bien, en fait, tu ne peux pas t'aventurer dans un cirque où personne ne pourra venir te chercher à part l'hélico. Il faut savoir compter sur toi, sur les autres, mais tu ne pourras pas forcément compter sur une assistance extérieure. Donc, il y a un esprit trail et c'est ce que j'aime aussi dans ce sport-là maintenant. Beaucoup d'entraide, beaucoup de... Ce qu'on aime, c'est être en nature, ensemble, les paysages. Et puis après, bon, bah, le passage de la ligne d'arrivée, le chrono, c'est quand plus même anecdotique, mais ce qu'on aime, c'est l'épreuve en elle-même et c'est un tout, quoi. Donc, il y a bien un esprit de cohésion aussi, quoi. Voilà, il y a un esprit de compétition parce que bah, si tu t'es fixé un objectif, tu as envie de l'atteindre, mais pas de là à pousser le voisin dans le ravin pour passer devant s'il y a un bouchon, effectivement. Il y a beaucoup d'entraide entre elles, je trouve. C'est vrai que ça c'est plutôt chouette. D'accord. Alors, en préparant l'émission, j'ai trouvé comme définition pour l'esprit de compétition, ce que je vous demandais tout à l'heure, pulsion qui pousse certaines à tout donner, certaines parce qu'on est entre filles, à tout donner pour gagner, mais aussi l'esprit de compétition peut mener à l'épuisement, voire le burn-out. Donc, toujours plus loin, toujours plus haut, c'est l'esprit de compétition, on est d'accord, mais quand est-ce qu'on s'arrête? C'est quoi la limite? Est-ce que tu entrevois une limite ou est-ce que pour l'instant, il n'y en a pas? La limite, c'est quand on voit la réaction qu'on a quand, par exemple, on ne rattrape pas une fille en match. Moi, j'ai un bon exemple. Le dernier match contre l'Alsace avant la finale, y a une fille en fait, qui a fait une percée dans notre défense. Et je vais dire, pour ceux qui connaissent, c'est numéro 9. Donc, en gros, numéro 9, c'est la plus rapide. C'est considéré comme un lièvre. J'ai commencé à la courser donc, pour l'arrêter, pour pas qu'elle aille marquer l'essai. Sauf que je l'ai pas rattrapée. C'est à ce moment-là que l'esprit de compétition a été beaucoup trop présent, car j'ai un peu, avec la fatigue, le manque d'oxygène, tout ça, le stress, ça fait un peu comme une explosion, un peu comme une grosse colère. Et heureusement que le match allait être bientôt fini, parce que c'est là qu'on voit que ça peut vraiment nous mettre dans des états assez conséquents, quoi. Ah oui, c'est vraiment, tu sors de tes gonds, quoi. On explose, ouais. Et tu t'en es rendu compte tout seul ou on te l'a dit? Ah bah, je m'en suis rendu compte parce que je l'ai bien senti, parce que j'ai cru que j'allais faire un malaise, donc bon, voilà. Et puis même, on m'a dit qu'il fallait pas que je pète un câble comme ça après les actions que j'avais fait pendant ce match, mais bon, après ça, c'est pas quelque chose qu'on gère facilement. D'accord, bah, je te remercie, c'est très parlant. Eva, tu penses que tu as atteint tes limites ou Non, parce que moi, c'est pas compliqué. J'écoute un petit peu trop mon corps. Donc. Alors, je ris parce que, en fait, je cours avec Eva et quand elle me dit j'écoute trop mon corps, c'est un euphémisme. En fait, je sais pas me faire souffrir. Donc, sur une compétition, s'il y a personne, s'il n'y avait pas le NAM, par exemple, au 10 km de Nancy, j'aurais jamais battu mon record et je serais toujours restée 50 minutes, 48 minutes. Parce que c'est assez rapide, mais pas assez pour avoir trop mal. C'est, Alors ta limite à toi, en fait, c'est la limite que tu te donnes à toi, c'est la douleur, quoi. Enfin, oui. C'est l'effort. C'est oui, pas de la douleur. C'est pas de la douleur. Quand même, hein. Oui, je m'arrête. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à forcer plus loin. Après, le reste, c'est une question d'ego. Donc, si on me regarde, si je sais qu'on attend de moi quelque chose, des fois, j'arrive à aller plus loin. Puis c'est quand j'y arrive pas, c'est après que je le vis mal, c'est les jours d'après, mais sur le moment, pendant l'effort, j'arrive vraiment, enfin, j'ai jamais appris à me forcer. Donc il y a une part de mental en fait. Oui, je suis à rappeler. Comment dire, l'esprit de compétition est rattrapé par le mental. Oui, oui, ouais, j'ai aucun mental. Et toi Marie, qu'est-ce que t'en penses? T'as déjà atteint tes limites? Tu penses que tu en auras? Ben, alors, limite physique, probablement, en grandissant. On va dire que ben, maintenant, je me fais accompagner pour mes entraînements. Donc, c'est assez bien homogène au niveau de mes entraînements. Mais peut-être qu'avant, je courais un peu n'importe comment. Je m'entraînais un peu au feeling. Et mes limites, c'était ben, quand j'étais blessée, il fallait s'arrêter. Oui. Donc, maintenant, je suis plus sur ce type d'entraînement. Je ne suis pas blessée. Mais par exemple, si j'ai une petite douleur ou une gêne, je vais en parler avec le coach et puis on va temporiser. Donc ça va limiter mon esprit de compétition parce que bah, si je sens que je commence à flancher, je vais peut-être ralentir un peu la cadence. T'arrives à te retenir sur la compétition? Moi, je te dis tout ça, puis en fait, mensonge, parce que l'année dernière, pour le coup, j'ai été blessée, j'ai traîné une tendinite pendant plusieurs mois et mon ostéo qui m'accompagne beaucoup me disait « Ok pour cette course, mais vas-y tranquille ». Bon, bah, le « vas-y tranquille », je l'ai écouté jusque... À la ligne de départ. Voilà. Et c'était une de mes meilleures courses, en fait, donc voilà. Bon, on va dire que ma limite, c'est oui, quand je sens que j'ai des douleurs, j'essaye d'en parler avec les gens qui m'encadrent et de voir ce que je peux faire pour pas complètement me blesser. Mais sinon, tant que ça va, je continue, quoi. Et alors, ta plus longue distance, c'est 115 km, c'était l'année dernière. 115 km. Et donc, en termes de limite, est-ce que tu penses que tu vas passer outre les 115 km? Ah bah oui, puisque là, je vais m'élancer sur 165. Sur 165, et donc, tu penses qu'il y a un moment donné, tu vas atteindre ta limite ou s'il y a plus, bon, on peut, ça se tente, quoi? Bah, c'est vraiment ça que je recherche dans l'Ultra Trail, c'est ok, j'ai fait 60, ok, j'ai fait 100, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et je me rends compte que ça va sûrement être difficile, mais qu'à mon avis, il y a beaucoup de pourcentage physique et aussi beaucoup de pourcentage mental, parce que au bout de 60-70 km, en fait, ton corps, il est fatigué. Mmh. Ton corps, il a mal. Mais en fait, toi, t'es tellement heureux d'être là, c'est tellement beau, il y a tellement bon esprit que tu vas continuer. Et souvent, c'est ça qui me porte jusqu'à l'arrivée. Parce que l'année dernière, sur le 110, je me suis fait une entorse, il me restait encore 40 km à courir. Et je suis passée au niveau de la ligne d'arrivée. Donc, j'ai quand même réussi à aller au bout. Donc là, je suis vraiment en recherche de voir, ok, 115 s'est passé, 160, comment ça va être? On verra, quoi. T'as pas encore atteint la limite, quoi. Non, j'ai pas atteint la limite. Après, il y a des objectifs qui me donnent pas trop envie. Dans mon entourage, avec mon copain, avec mes amis, on parle des fois de gros trails comme le Tour des Géants, 300 km. Enfin, ça, pour le coup, ça me donne pas du tout envie. Puis je te dis ça se trouve, si la diagonale se passe bien, dans 2 ans, tu me verras sur la Swiss Peak. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est quand même très exigeant en termes d'entraînement, de régularité. Tu peux pas t'élancer sur des distances comme ça sans faire. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Je pense pas que je pourrais m'entraîner moins et réussir aussi bien sans me blesser, quoi. Donc ça me donne pas forcément envie pour la suite parce que je pense qu'après, pour la vie sociale, familiale et tout, ça va être compliqué. La limite va se situer là, en fait. Voilà, la limite va peut-être se situer là. Et Eva, une dernière question, comme tu es un peu touche-à-tout, toi, en matière de sport, est-ce que tu as une limite d'un sport que tu feras jamais ou qui t'attire vraiment pas? Non, parce qu'en fait, par exemple, je me suis toujours dit jamais je nagerai. Et on m'a proposé de nager, donc j'ai dit oui. D'accord. Donc, il suffit juste que quelqu'un m'accompagne, que quelqu'un me propose et j'y vais. Après, faire en club et en compétition, là, oui, c'est pas pareil. J'ai envie de tout faire, mais vu que tout le monde m'a toujours vu dans un club d'athlètes, je ne sais pas si j'oserais partir. Passer le cap. Ouais, voilà. D'accord. Alors, en fin d'émission, pour conclure, moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est qu'est-ce que vous avez pensé les unes des témoignages des autres? C'est-à-dire, est-ce que vous vous retrouvez dans Marie, dans les témoignages de Eva et de Louane, Louane dans Marie et Eva? Est-ce que vous avez des points communs ou est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles, du coup, vous dites « Ah, bah pas moi ». Déjà, je suis impressionnée par les performances de Marie parce que personnellement j'ai aucun cardio. Donc en rugby, pas de cardio? J'y crois moyennement. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout le cardio pour faire des distances aussi importantes. Pourtant, j'ai essayé le footing, tout ça, mais vraiment pas, quoi. Déjà, rien que le footing, pour moi, j'y arrive pas. Donc ça m'impressionne vraiment, genre les distances et tout. Moi, les distances, là, je les connais que en voiture, quoi. Donc voilà. Et puis pour Eva, je la rejoins sur le fait qu'elle a dit qu'elle écoute beaucoup son corps, parce que c'est vrai que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'écoutais aussi beaucoup mon corps jusqu'à ce que je rentre, enfin que je commence le rugby surtout, et que En fait, vu que c'est un sport quand même qui fait mal à cause des chocs, on ne fait plus vraiment attention à la douleur parce qu'on se dit que bah, c'est normal, vu qu'on vient de se prendre un choc, c'est normal. Et qu'en fait, ça va passer. Donc, je la rejoins sur ce point parce qu'avant, j'écoutais beaucoup mon corps aussi. Un peu moins maintenant, mais voilà. Et Eva ? Moi, ce que j'adore, c'est le mental de Marie. Bah, façon, je peux quand même envier les gens là-dessus. Hein. Mais j'aimerais, oui, beaucoup arriver un jour à le surpasser aussi comme ça. Et chez Luan, le fait qu'il y ait la compétition seulement contre une autre équipe et pas dans l'équipe. Oui, et, la cohésion. Oui, bah, en soi, il n'y a pas de... Je ne suis pas en compétition avec les gens avec qui je cours. Genre, toi, je ne me dirais pas, mon but, c'est de dégommer aujourd'hui. Mais... il y a toujours un fond où on a envie de faire partie des meilleurs. D'accord. Et donc, toi, Marie, qu'est-ce que tu as pensé des témoignages des deux, de Eva et de Luan ? Bah, Luan, tu m'impressionnes parce qu'en t'écoutant, j'ai été projetée dans le match de rugby. Je t'ai imaginé courir après derrière numéro 9. Et je trouve ça trop cool, ton esprit de compétition et en plus ton esprit d'équipe. Je trouve ça chouette. Moi, en trail, c'est différent parce que du coup, bah, on est pour soi-même, mais en même temps avec les autres. Donc, c'est un peu différent. Mais je te rejoins là-dessus sur ton gros esprit de compétition. Tu veux gagner, tu as envie de tout donner. Et Eva, ben, toi, tu as l'air de vraiment prendre plaisir, toucher un petit peu à tout. Et c'est vraiment ce que je retrouve aussi dans mon sport. C'est surtout le plaisir. Le côté découverte. Le côté découverte, le côté plaisir. Et puis, le côté, on verra bien. Et tu parlais un peu de... Si les gens t'encouragent, tu as envie de faire mieux. Moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je n'ai pas trop confiance en moi. Et de manière générale, on me dit souvent, mais Marie, tu te rends quand même compte de ce que tu fais ? Bah, je crois que pas trop. Et on me dit, mais tu pourrais faire mieux, tu pourrais faire plus. Et ça me donne envie d'aller plus loin. Et ça, c'est ce que tu disais, Eva. J'ai pas confiance en moi, mais je me lance sur un 160 km. Bah, si, la confiance vient quand même un petit peu avec les années et les épreuves que tu arrives à surmonter. Mais au début, pas trop. Pas trop. Oui. Bah, ça se voit pas. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Marie, Eva et Luan pour leur témoignage. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.